Chapitre 11e. Importance de la poche. Dorénavant, durant sa permanence de nuit, Karim, au lieu de dormir, se plonge dans la lecture. Il a tellement hâte de combler son ignorance. Sa collègue infirmière entre dans la chambre. « Encore à lire ? » s'étonne-t-elle. « Eh oui » confirme-t-il. « Yahi Bibi ! Yahi Bibi ! Oh, mon ami !»« pense Karim en lui-même. Tandis que sa collègue fixe sur lui ses yeux étincelants de promesses. Depuis sa venue à l'hôpital, voilà quelques mois, elle entreprit une cour assidue pour conquérir Karim. Elle lui avait raconté son histoire récente. Durant 5 années de mariage avec un lieutenant de l'armée, elle fut pratiquement non pas une épouse mais une esclave. Le bébé venu au monde, une fille, au lieu d'améliorer la situation, l'aggrava. Le mari fréquentait ouvertement d'autres femmes, avec lesquels il couchait dans des hôtels. L'épouse le savait, sans pouvoir rien objecter. Cependant, elle éprouvait du dégoût lors de ses rapports charnels avec son mari. Ce dernier finit par s'en rendre compte. Furieux d'humiliation, il la battait avec sa ceinture militaire jusqu'au sang. Par honte, la malheureuse n'avouait rien à ses propres parents. Puis arriva le moment où le mari, pour ne pas te tuer, lui déclara-t-il, en divorça, en lui abandonnant leur fille. C'est alors qu'elle profita de sa formation d'infirmière pour trouver un emploi à l'hôpital, par l'intermédiaire d'un parent bien introduit dans l'administration, recourant à ce qui est devenu le moyen imposé, l'ashkara. Littéralement, le sac, pour désigner l'argent corrupteur. Durant son travail, elle connut Karim et fut impressionnée par son comportement très courtois. Un jour, elle lui déclara avec un suave sourire « On ne dirait pas que tu es un homme, toi. Pourquoi ?» demanda Karim. « Je n'ai jamais rencontré un homme aussi prévenant, gentil et délicat envers une femme. » Elle ajouta, le regard brillant. « Heureux sera la femme que tu épouseras. » Ainsi, la collègue commença l'entreprise de séduction de Karim. Toutefois, jusqu'à présent, cette action s'est exprimée de manière plutôt traditionnelle, autrement dit par des regards de braise, d'autant plus excitants qu'ils sont retenus par la conventionnelle pudeur. Et vu que la nature a embelli cette créature féminine d'un corps très désirable, et d'une paire de magnifiques yeux capables de darder un feu ensorcelant. L'infirmière recourt subtilement à ses redoutables moyens pour conquérir l'objet de ses désirs. Karim en est parfaitement conscient, mais il n'a pas oublié ce qui supprimait en lui toute velléité sentimentale envers sa courtisane. Ce fut quand elle prononça la fatidique sentence « La valeur d'un homme est dans sa poche ». Karim ne trouva rien de plus horrible, de plus méprisable, de plus indigne que cette phrase. Elle le choqua au point de rester ancrée dans sa tête comme une dégoûtante saleté. Oui, il trouve jolie et charmante sa collègue. Toutefois, la considération proférée par elle envers l'argent, avec certitude, avait complètement refroidi, plus exactement glacé, le cœur de Karim. Il s'est bien rendu compte que l'ensorceleuse manquait de cervelle, et il n'avait aucune illusion d'un quelconque sentiment amoureux de sa part. Ce qu'elle aime, c'est l'argent, estime Karim, l'argent. L'argent est rien d'autre que l'argent. Pour elle, il est l'unique mesure de toute chose. Seul lui fait battre le cœur de cette malheureuse jeune femme, car elle est malheureuse, en jugeant la vie, la sienne et celle des autres, en se basant sur ce vil critère. Plusieurs fois, Karim, stimulé par son caractère, le portant à vouloir aider autrui, a pensé entreprendre une discussion avec Fatia. C'est le nom de l'infirmière dont la conception du monde est la suivante, l'argent est Dieu, et la beauté féminine est l'ange marchandise idéale à acheter. Un jour, Karim demanda « Écoute, Fatia, es-tu certaine que la valeur de l'homme est uniquement dans sa poche ? Et où veux-tu qu'elle soit ?» répliqua vivement l'escarbelée. Toutefois, ce qu'elle ajouta ne manquait pas de pertinence. « N'est-ce pas, déclara-t-elle, l'argent qui mène le monde ? Les gens de tous les pays, quelle que soit leur religion, n'adorent-ils d'abord et avant tout l'argent ? Et tous les gens de la planète ne rêvent-ils pas de devenir riches? Et que promettent le Coran, et certainement les deux autres livres sacrés, aux pauvres de ce monde, d'être riches dans l'au-delà? Comme tu vois, l'argent décide de tout, commande tout, toujours et partout. » Karim ne put s'empêcher de formuler une autre demande, elle lui brûlait les lèvres. Et l'amour dans tout ça? La charmante Fatia le toisa comme si la foudre lui frappait. Elle resta un instant la bouche entrouverte sans rien dire, montrant une jolie rangée de dents toutes blanches. Puis elle eut une sorte de fou rire et se trémoussa de tous ses membres. « Ah, ce magnifique corps !» jugea Karim avec dépit. Quel gâchis! Il baissa les yeux vers le sol pour ne pas montrer son dépit et pensa. Évidemment, elle avait épousé le lieutenant non par amour, mais parce qu'il était dans l'armée, donc pour l'argent, auquel il faut ajouter le prestige de faire partie de cette institution. « Ce que j'ai dit ne te plaît pas ?» hasarda Fatia d'un délicieux ton taquin. Karim reprit une expression de visage apparemment insouciante, releva la tête et regarda sa collègue. « À ton avis » interrogea-t-il à son tour. « Toi, continua Fatia, tu as quand même un salaire. Tu es jeune, tu es intelligent et tu es ambitieux, puisque tu t'actives au syndicat. » Au mot ambitieux, Karim, scandalisé, voulut protester, mais la belle poursuivit. Tu finiras par obtenir une belle promotion et ainsi gagner l'argent que tu veux, comme les autres, et tu rendras certainement heureuse la femme que tu épouseras. Sans cela, crois-tu qu'elle ne serait pas heureuse ? Fatia fut surprise par l'objection. Quelques secondes après, elle esquiva son embarras par une pirouette. Un charmant et malin petit éclat de rire accompagné par un délicieux mouvement du corps semblable à une danse. Ah, Fatia, Fatia, soupira Karim au fond de lui-même. « Trouverai-je un jour la femme que je souhaite rencontrer ?»